924, activation orale, quelqu'un, personne. Répondez selon les exemples. Vous entendez. 1. Il y a quelqu'un? Vous voyez. 1. Et vous répondez. Oui, il y a quelqu'un. Vous entendez. 2. Vous voyez quelqu'un? Vous voyez. 3. Et vous répondez. Oui, je vois 3 personnes. Vous entendez. 3. Vous voyez quelqu'un? Vous voyez. 0. Et vous répondez. Non, je ne vois personne. 4. Vous cherchez quelqu'un? Non, je ne cherche personne. 5. Il reste quelqu'un? Oui, il reste 4 personnes. 6. Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. 7. Il cherche quelqu'un? Oui, il cherche 3 personnes. 8. Il reste quelqu'un? Non, il ne reste personne. 9. Tu cherches quelqu'un? Oui, je cherche 2 personnes.